Babylone. Les mépés abattent sur leur tête comme des cyclones. J'commets des rimes comme on commet des crimes à New York. Mais à Paris aussi j'ai vu ça, quoi de philosophe. J'ai été un jour témoin d'une telle action, un acte terrible, à vous donner des frissons. Elle était nue et criait de tout son âme, pendant que l'infâme sortait sa lame, histoire de commettre le drame. Puis il l'obligea à se mettre à quatre pattes. C'est comme ça que ça se passe sur le beat. Elle s'éclate, elle pleure, suppliant de la laisser. Il la shoot, bombe et continue de la baie. Hey, hey. Je me souviens de cette scène obscène comme si j'étais encore. C'était au bord de la scène et il pleuvait des corps dehors. Il leva son couteau, lui rentra dans la peau. Ah non, tu vois d'ici, le sang coulait à flot. Le criminel se retourna, me vit, puis me prit. Je me déchaînais comme un enragé et une voix me dit qu'il était temps d'aller à l'école. Ai-je rêvé, mon père me tenait par le corps. Criminalité, du mot crime, crime avec film. Hey hey, si tu testes, tu tombes dans l'abîme. Les médias en font la une en caractère graphique. Pas de risque, l'opinion publique, ça les excite. Bouyaka, bon bouyaka, Babylone. Les méfaits s'abattent sur leur tête comme des cyclones. Cependant, jusqu'à temps que le son résonne, raconte un crime, man, qu'il s'étonne. Je suis l'homme qui a survécu à un crime. Crime que je n'ai pas compris, crime qui n'ont pas omis. Crime dramatique où je t'escrime, tu te sens dans mes rimes. Enfin bref, moi qui avais foi, je l'ai vu une fois et j'en ai perdu la voix. Fallait la voir s'accrocher à mon pince. Oh la vicieuse, elle avait un regard de lynx. Ah ah ah, une lucose, elle rigole. Allez voir, ils avaient l'air de vrais gols. Quelle puce, c'est triste. Oh la malice, un petit mot dans son oreille et dans la tente, elle se glisse. Nous sommes fatigués, ils sont allongés. Vraiment sans gêne, elle se met au milieu. Je ne crois pas à mes yeux, il la touche, elle le touche, on la touche, elle insiste. Sachez que rien ne lui résiste. À peine réveillé que devant nous, gendarmes CRS. Réponse réflexe, elle nous tente de cesse. Cela ne tiendra pas au tribunal, on est vraiment mal. Dites-moi, où est le crime si la soi-disant victime était consentante? Elle est rentrée toute seule dans la tente. Criminalité, du mot crime, crime avec une. Hey hey, si tu testes, tu tombes dans l'abîme. Les médias en font la une en caractère graphique. Pas de risque, l'opinion publique, ça les excite. Bouyaka, bon bouyaka, Babylone. Les méfaits s'abattent sur leur tête comme des cyclones. Cependant, jusqu'à temps que le son résonne, raconte un crime, man, qu'il s'étonne. Bouyaka, bon bouyaka, Babylone. Les méfaits s'abattent sur leur tête comme des cyclones. Cependant, jusqu'à temps que le son résonne, raconte un crime, man, qu'il s'étonne. Bouyaka, bon bouyaka, Babylone. Les méfaits s'abattent sur leur tête comme des cyclones. Cependant, jusqu'à temps que le son résonne, raconte un crime, man, qu'ils étonnent.